Lettre 12e, Calpurnie à Sulpici. Rome, mars 301. Pour la première fois de ma vie, j'ai de la peine à t'écrire à force d'avoir pleuré. Je suis accablé par une nuit dont à peine je pouvais atteindre la fin. Mais je veux répondre à la lettre que ta fidèle m'a remise en secret. J'ai besoin, mon ami, de m'affliger avec toi de tes peines et de te parler des miennes. Et par qui sommes-nous malheureuses toutes deux? Par l'influence de ces hommes méchants, cruels, ingrats, qui semblent nés exprès pour nous tourmenter également par leurs vices ou par leurs vertus. Sois convaincu, Sulpici, que je souffre pour toi et avec toi. La perspective de perdre un ami, dont les qualités m'ont ébloui un moment, me prouve assez ce qu'est la perte d'un amant dont on est adoré. Agathoclès va partir. Tu vas être surprise de cette résolution soudaine et inattendue, sans aucune raison plausible. La chaleur avec laquelle il a embrassé la cause de son ami Tiridate devient si brûlante. Son désir de se conformer au désir de son père si impérieux qu'il se décide à l'instant à faire la guerre contre les Perses. Lui, dont les opinions, le caractère sont aussi contraires à un état qu'il appelle servile. Lui, presque toujours opposé aux avis de son père, n'a rien de plus pressé que de tout quitter pour s'éloigner d'une ville où rien au monde, dit-il, ne pourrait le retenir. Ah, il a raison, bien raison. Et ceux qui s'affligeraient de son départ auraient grand tort. Je sais, je conçois que je dois parler ainsi, et cependant, Sulpici, combien j'ai honte de ma faiblesse. Lorsqu'il vint hier m'annoncer son départ, je fus hors d'état de lui répondre. J'étais prête à défaillir. Mon sang paraissait arrêté dans mon cœur qui battait avec violence. Je sentais que la pâleur de mon visage devait trahir l'agitation de mon âme. Et lui, Sulpici, oh, combien j'avais honte de mon peu d'empire sur moi. Lui paraissait calme, résigné comme quelqu'un que sa volonté seule a décidé. Que j'aurais été méprisable à mes propres yeux. Si la vue de cette tranquillité parfaite et vraiment incroyable n'avait pas réveillé ma fierté. Je repris peu à peu tout mon courage, et quelques minutes me suffirent pour pouvoir lui répondre comme à l'ordinaire, sur un ton léger et badin. Avec adresse, je dirigeais la conversation sur des sujets indifférents, sur les apprêts de son départ, etc. Mon père, mes frères étaient présents. Il me fut donc facile de quitter l'appartement et de rentrer chez moi pour donner un libre cours à mes tristes réflexions. J'aurais donné tout au monde pour laisser couler les larmes de chagrin, de dépit dont mon cœur et mes yeux étaient pleins, mais je les retins avec effort. L'heure du souper était proche. Je ne voulais pas qu'Agathoclès en vît les traces. J'employai donc le peu de moments qui me restait à me mettre dans l'attitude où je voulais être, et je retournai dans la salle à manger. Le départ d'Agathoclès fut le sujet général de la conversation. Mon père et mes frères en sont extrêmement affligés. Je pris sur moi autant qu'il me fut possible, et je fus étonné de mon courage. Personne n'était sûrement plus affligé, et je parus calme, tranquille, indifférente, même plus que lui. Et c'est beaucoup dire. Oh, Sulpici, combien ces hommes, si vains de leur courage, sont plus faibles que nous. Ils n'attachent de prix qu'à ce qu'on leur refuse. Je vis clairement qu'Agathoclès, à mesure que je m'animais, devenait silencieux, pensif. Sa mauvaise humeur se manifesta en proportion de ma gaieté. Quelque chose d'assez ressemblant au mépris s'éleva dans mon cœur et doubla mes forces, en sorte qu'à la fin du repas, j'avais complètement changé de rôle avec lui. Nous nous séparâmes, moi en plaisantant, lui avec une froideur affectée. Je rentrai dans mon appartement. J'y étais à peine, lorsque Chromis entra et me remit ta lettre. Je la lus. Elle me fit répandre des larmes avec une telle abondance que ce fut vers le matin seulement qu'il me fut possible de fermer les yeux. Ta situation, la mienne, les chagrins que nous avons déjà, ceux qui nous attendent encore, pèseront sur mon cœur d'une manière insupportable. Les hommes tourmentent donc toujours notre vie. soit qu'ils nous aiment ou nous haïssent. Mais convient, Sulpici, que dans le premier cas, on est bien moins malheureuse. Tu souffres, il est vrai, mais ton amant t'adore. Cérinus t'aime autant qu'il peut aimer. Ton père, quoiqu'il te paraisse dur et sévère, te chérit. Et moi, Sulpici, moi, mon père m'aime aussi, mais Agathoclès. Oserais-je en dire autant, et le puis-je? 100 fois, j'ai lu dans ses yeux l'aveu de son amour. Les mots entrecoupés qu'il prononçait ne me laissaient aucun doute. Cependant, il part, avec une tranquillité philosophique. Il torture mon cœur sans aucune pitié, sans se douter peut-être de ce qu'il fait souffrir à une femme sensible. Oui, Sulpici, trop, beaucoup trop sensible, 100 fois plus que ne le mérite une conduite si dénuée de sentiments, de délicatesse. Et quelle en est la cause? Une orgueilleuse philosophie qui doit le préserver d'être victime des passions, et lui fait garder une félicité ridicule pour une beauté idéale d'enfance qu'il ne reverra jamais, ou qu'il retrouverait si différente de sa chimère qu'il lui serait impossible de la reconnaître. Quoi qu'il en soit, il suit son plan sans s'embarrasser de ceux qui ont la folie de s'intéresser à son sort, et qui ne s'apercevront que trop de son absence. Il ne songe pas à leur chagrin, il lui convient de partir. Qu'il parte, il ne me verra pas du moins verser de larmes. Non, Sulpici, ce censeur sévère ne doit pas jouir de ce triomphe. Je veux paraître gai, conserver toute ma sérénité. Je veux rire même lorsque je le verrai s'élancer sur son cheval pour s'éloigner de ceux qu'il aimait. Oui, je le jure, ma chère Sulpici, oui, je le ferai. Il ne mérite pas que j'agisse autrement. Remarque, Sulpici, le pouvoir que l'orgueil et le dépit ont sur l'âme. Quand j'ai commencé à t'écrire, j'étais inondé de larmes. J'avais peine à les empêcher de couler sur le papier. À présent, elles sont taries. Je ne pleure plus, parce que je suis en colère. Et je trouve dans mon courroux un soutien contre la faiblesse de mon cœur. Que l'on ne me dise pas de mal du courroux, c'est un sentiment noble, héroïque, qui élève l'âme, tient la douleur en équilibre, nous fortifie lorsque nous craignons de succomber. Je te promets que notre amitié saura aussi bien triompher de tes deux tyrans, et qu'ils ne viendront pas à bout de nous séparer. Nous nous verrons bientôt, tout à notre aise. Sois-en sûr. Adieu. Ma chère Sulpici, ne te laisse pas abattre.